En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler avec un des joueurs du multicontinent puisque c'est des séries actuellement dans la Ligue du Lac-au-Fleuve. On parle avec Guillaume Lagarde du multicontinent. Salut Guillaume. Salut, Danny. Guillaume, deux matchs d'abord à Charlevoix en fin de semaine. D'abord, il doit y avoir une petite rivalité entre Charlevoix et Dolbeau compte tenu de l'an dernier que ça avait fini en sept matchs. Oui, c'est une série qui ne sera pas vraiment facile. Je te dirais que vendredi, quand on est monté, on est arrivé un petit peu à course. Puis c'était pas vraiment évident. Okay. Il y a déjà des antécédents un peu là avec l'année passée, puis je te dirais que la rivalité est déjà bien ancrée là, avec nous autres. OK, effectivement, puis c'était sept matchs l'année passée, fait que ça aussi, là, hein? Ouais, c'est ça, l'an passé ça a été une série longue, là. Ils ont réussi à revoir le calendrier aussi, là, parce qu'on avait joué trois matchs dans la dernière fin de semaine. On commençait à avoir vu beaucoup, un petit peu trop de hockey, là. OK. Parle-moi maintenant des deux matchs au cours du week-end. L'objectif, c'était quoi? C'est d'aller en chercher une à Charlevoix? Oui, ben c'était dans le pire des cas qu'on voulait absolument en avoir une, mais c'est sûr qu'on visait deux. Vendredi, on a passé proche justement de l'avoir. On a perdu en prolongation. Je pense qu'on a dû faire 30 secondes en prolongation. Puis c'est fait un but chanceux. Puis samedi, je te dirais qu'on s'est un petit peu mieux adapté. On aurait plus dominé le match, mais Charlevoix, ils ont eu des joueurs clés qui ont été blessés, fait que probablement que ça l'a aidé, mais aussi on avait imposé un tempo qui était un petit peu plus tough comparé aux autres matchs qu'on avait fait, puis c'est sûr que ça a apparu en fin de match. OK. Si on parlait un peu de ce qui se passe maintenant, donc et là on s'en vient à Dolbeau-Mistassini pour deux matchs, on reprend l'avantage de la glace. C'est ça qu'on visait, j'imagine. Oui, c'est ça. On vise deux victoires pour essayer d'aller fermer ça à Charlevoix, mais c'est encore là. Charlevoix, c'est une équipe qui joue bien, fait que ils seront jamais faciles à gagner contre, là, dans le sens qu'ils ont une contre-attaque qui est vraiment forte. Puis on a beau passer le match au complet dans le zone, mais Charlevoix sont capables d'avoir une contre-attaque qui va nous faire mal sur nos petites erreurs. Puis c'est un peu ça qui est arrivé aussi samedi, là. Ils ont tenu dans le match tout le long, même si on était souvent dans le zone, mais c'est ça qu'il va falloir apprendre à vivre avec, là. OK. Dis-moi, comment au niveau personnel, comment t'as trouvé ta saison cette année? J'ai eu un petit peu de misère à cause que j'ai eu une blessure, une commotion. Puis, mais comparativement à l'an passé, je me sens mieux sur la glace. Peut-être pas au niveau point, mais niveau de mieux jouer, c'est sûr que je me sens plus à l'aise. Il y a eu une période d'adaptation aussi, là. Puis c'est un jeu qui est quand même assez rapide. Puis pour moi, je l'ai jamais vraiment vécu aussi rapide. Puis là, présentement, je suis vraiment à l'aise là, sur la patinoire. Si on parlait, mais est-ce que tu trouves que comparativement à l'année passée, la Ligue s'est améliorée encore plus, il y a une coche encore? Jonquière, oui. Fazil, ils ont eu de la misère un peu à trouver des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui partent de Bécomo pour aller jouer à Fazil. Fait que c'est sûr, c'est dur. Tu joues à domicile, puis il faut que tu te déplaces quand même beaucoup. Là. Imagine à l'extérieur. Mais il y a eu beaucoup de meilleurs joueurs qui se sont embarqués cette année. Là. OK. Puis ça, j'imagine que ça améliore. C'est une coche de supplémentaire, donc. Oui, c'est ça. OK. Guillaume, on va te souhaiter la meilleure des chances. Deux gros matchs au cours du week-end. On va s'en reparler. Parfait, merci. Donc, on va parler avec Guillaume Lagarde du multiconcessionnaire de Boom Sisney.